إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc on arrive au 70e point. Et la dernière fois, on avait vu. Donc on est au 79 ans, on avait vu la dernière fois. L'irtilef qu'il y a entre. Ou la différence qu'il y a entre la valeur et la suprématie, c'est-à-dire lequel des deux sens est meilleur, l'ouïe ou la vue. Donc on l'avait vu. Donc sur la vue, on avait vu justement ce qu'ont dit les savants par rapport à l'ouïe. On avait parlé par rapport aux savants qui disaient que l'ouïe était meilleure. Donc ils avaient bien sûr expliqué ça de plusieurs façons. Et là on va voir donc le deuxième groupe qui est... Donc le deuxième groupe parmi les paroles des savants qui disent que la vue est meilleure que l'ouïe. Wa qalat ta'ifatun minhum Ibn Qutayba rahimahullah. بل البصر أفضل فإن أعلى النعيم وأفضله وأعظمه لذة هو النظر إلى الله في الدار الآخرة وهذا إنما ينال بالبصر وهذه وحدها كافية في تفضيله. Donc parmi les paroles de ce groupe et parmi Ibn Qutayba, ils disent que la vue est meilleure car elle va donc être parmi les meilleures grâces et les plus illustres dans le domaine du délice, qui est justement le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Il n'y a pas meilleur que ça. Et cette vue, donc voir Allah c'est avec l'œil, donc c'est la vue. Et cela seul suffit comme grâce. Cela seul suffit comme le fait que c'est plus valorisant. Wa qalu wa huwa مقدمة القلب وطليعته ورائده. Et c'est aussi donc l'avant-garde du cœur et celui qui fait amener les choses au cœur. فمنزلته أقرب من منزلة السمع. Donc son degré ou sa haute place est plus proche que celle de l'ouïe. ولهذا كثيرا ما يقرن الله بينهما في ذكر بقوله وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc le cite plus souvent lorsqu'il cite le rappel et l'évocation. Il dit donc et réfléchissez aux ceux qui voient, فَاعْتَبِرُوا, donc méditez, réfléchissez, prenez cette chose en exemple aux ceux qui voient. فَاعْتِبَارُ بِالْقَلْبِ. Et cette méditation, c'est par le cœur. Wal basaru bil ayn. Et l'œil, donc la vue, est par l'œil. Wa qala ta'ala, dans Surat al-An'am, verset 110, il dit dans Surat al-An'am, verset 110, Wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra. Donc il dit, subhanahu wa ta'ala, nous allons retourner donc leur cœur et leur vue comme ils n'ont pas cru la première fois. Comme le fait qu'ils n'ont pas cru la première fois. Surat al-An'am, verset 110. وَلَمْ يَقُلْ تَعَالَى أَسْمَعَهُمْ. Et il n'a pas dit, subhanahu wa ta'ala, leurs ouïes. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Hajj. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Hajj, verset 46. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Certes, les vues ne deviennent pas aveugles, mais les cœurs deviennent aveugles. Les cœurs qui sont dans les poitrines deviennent aveugles. Surat al-Hajj, verset 46. Elle dit aussi, subhanahu wa ta'ala, يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ. Elle dit, subhanahu wa ta'ala, dans Surat Nur, verset 37, ils ont peur du jour, ils ont peur du jour où les cœurs et les vues se retournent. وقال تعالى في حق رسوله, il dit aussi sallallahu, il dit aussi azza wa jal en ce qui concerne son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a. Il dit donc le cœur n'a pas menti de ce qu'il a vu, n'a pas menti de ce qu'il a vu dans Sourate An-Najm verset 11, dans Sourate An-Najm verset 11. Thumma qala ma zara al-basaru wa ma tara. Et il dit aussi dans Sourate An-Najm verset 17. Donc il dit dans Sourate An-Najm verset 17, l'œil donc ne s'est pas égaré ni est devenu pervers ou bien ni est devenu criminel, c'est-à-dire ni n'a causé de tort. Donc l'œil n'a ni il s'est égaré ni il est devenu criminel. Et là on voit que toutes ces comparaisons ont justement donc le cœur et l'œil est lié avec le cœur par rapport à ces textes. Donc on a vu auparavant ce que les ulama ont dit par rapport au sam'a. Il est clair que si on ne sait pas ce que se disent les ulama par rapport à l'ouïe, on va croire que sam'a c'est plus important. Le fait qu'on a vu, mashallah, ils ont bien défendu ce sujet. Et là on a d'autres savants qui défendent justement le fait que l'œil est plus important que la vue. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى شِدَّةِ الْوَسِيلَةِ وَالْإِرْتِبَاطِ بَيْنَ الْقَلْبِ وَالْبَصَرِ. Cela est une preuve qu'il y a un lien très fort entre le cœur et la vue. Le cœur et la vue. وَلِهَذَا يُكْرَأُ أَوْ يَكْرَأُ الْإِنسَانُ مَا فِي قَلْبِ الْآخِرِ مِنْ عَيْنِهِ. C'est pour ça que la personne lit ce qu'il y a dans le cœur de l'autre par ses yeux. Dans le sens où les yeux montrent si tu es triste. Ils montrent si tu es heureux. Il va montrer si tu as peur. Tout ça est par les yeux. Tout ça est justement par rapport à ce qu'on voit dans les yeux. Et cela est connu dans, cela est bien sûr est répandu dans la parole des gens. On retrouve cela beaucoup parce que c'est répandu dans la parole des gens. Nazmuhu wa nathruhu wa huwa aktharum an min an yuthkar, yani nathkuruhu huna. On retrouve aussi cela beaucoup, même dans les poésies, dans ceux qui ont écrit, lorsqu'on parle de l'œil, on retrouve plus de choses par rapport aux poésies, dans les poésies et dans les récitations, dans tout ce qui se récite, par rapport à cela. وَلَمَّا كَانَ الْقَلْبُ أَشْرَفَ الْأَعْضَاءَ كَانَ أَشَدَّهَا إِرْتِبَاطًا بِهِ وَأَشْرَفَ مِنْ غَيْرِهِ. Donc si le cœur est l'instrument, ou bien le membre plutôt, le cœur est le membre le plus honorable du corps, donc celui qui a le lien le plus proche, le plus fort de ce cœur sera aussi bien sûr plus honorable que les autres membres. وَقَالُوا وَلِهَذَا يَتَّمِنُهُ الْقَلْبُ مَا لَا يَتَّمِنُ السَّمْعَ عَلَيْهِ بَلْ إِذَا ارْتَابَ مِنْ جِهَةِ السَّمْعِ عَرَضَ مَا يَأْتِيهِ بِهِ عَلَى الْبَصَرِ لِيُزَكِّيَهُ أَمْ يَرُدَّهُ. فالبصر حاكم عليه متمن عليه. Donc ils disent que le cœur, que l'œil, la vue, donc c'est ce qui vient apaiser le cœur, c'est ce qui vient rendre en sécurité ce cœur, il vient apaiser ce cœur de ce que l'ouïe ne pourra pas apaiser. La vue, elle va donc être plus sûre. Car même si l'ouïe aurait douté, si la personne doute de ce qu'il a entendu, il va revenir à ce qu'il doit voir pour en être apaisé. Il a entendu cela, mais il n'est pas sûr que cela est vrai. Il a un doute sur cela. Il a besoin de ses yeux. Il a besoin de ses yeux afin d'être sûr est-ce que ceci ou cela est vrai. Car le cœur va justement venir purifier, c'est-à-dire va venir dire que cette chose, elle est vraie ou elle est saine, ou bien sûr, il va la rejeter. Ou il va accepter, ou il va rejeter. Donc l'œil est celui qui va juger, et celui qui va mettre la sécurité, c'est-à-dire le fait qu'il va rassurer ce cœur. وقالوا ومن هذا الحديث الذي رواه أحمد في مسنده مرفوعا ليس المخبر كالمعاين وقالوا لهذا أخبر الله سبحانه وتعالى موسى أن قومه افتتنوا من بعده وعبدوا العجلة لم يلحقه في ذلك ما لحقه عند رؤية ذلك ومعاينته من لقاء الألواح من إلقاء الألواح وكسرها لفوت المعاينة على الخبر وقالوا donc par rapport à un hadith qui est rapporté par le Mahmed, donc il est marfou, il est revu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son mousnad, il dit que celui qui voit, donc celui qui est témoin, n'est pas comme celui qui a entendu. Celui qui a vu, donc, n'est pas comme celui qui a entendu. Et ils ont dit, et pour cela, on a, donc, il cite une preuve, l'histoire de Moussa, alayhi salatu wassalam, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'ils ont été, donc, ils ont subi des épreuves après lui. Et ils ont adoré, donc, le veau d'or. Ils ont adoré le veau d'or, et ils ne comprenaient pas, cela, comme il a bien compris lorsqu'il a vu cela. Donc, il a entendu, il sait que c'est grave. Mais lorsqu'il a vu, il a encore mieux compris. Si on vous dit, maintenant, un tel viendrait à faire tel ou tel péché, on pourrait dire que c'est grave. Mais si on le voit faire, si on voit donc le dégoût de cet acte, maintenant, le dégoût de ce péché, on va être encore plus touché. Donc, on va être plus au courant, parce qu'on aura vu avec nos yeux. Et lorsqu'il a vu cela, bien sûr, on sait bien qu'il a jeté donc les tableaux. Il a jeté les tableau, c'est-à-dire là où Allah subhanahu wa ta'ala avait descendu les versets. Et il les a cassés, le fait qu'il avait vu cela. Il les a cassés, il ne les a pas cassés alors qu'il a entendu cela. Mais il les a cassés quand il a vu cela. Pourtant, il les avait déjà. Il ne les a pas cassés après avoir entendu, mais plutôt après avoir vu. Donc c'est une preuve que la vue, elle a quoi ? Plus d'influence. La vue, elle est donc prioritaire. « Qalu wa hada Ibrahimu khalilullahi yas'alu rabbahu » أن يريه كيف يحيي الموتى إبراهيم لم يأتم الله سبحانه وتعالى il demande à son Seigneur de lui montrer comment il fait vivre, il fait revivre, il fait ressusciter le mort. Comment il va faire ressusciter le mort? وقد علم ذلك et pourtant il le savait auparavant. بخبر الله له car Allah lui avait dit. S'il pose la question, c'est parce qu'il le sait. Donc il le sait par rapport à ce qu'il a entendu, mais il ne l'a jamais vu. Et il demande de voir. ولكن طلب أفضل المنازل وهي طمأنينة القلب. Il a demandé donc le plus haut degré, qui est justement le fait de voir la chose. Et qu'est-ce que ce degré amène à l'apaisement du cœur. Alors, lorsqu'Allah lui dit, ne crois-tu pas? Il dit si, mais c'est pour que mon cœur s'apaise, comme on voit dans Sourate al-Baqarah. Et le dire, el yaqin maratib. El yaqin, donc la certitude a des degrés. La certitude comprend des degrés. Awaluha, le premier c'est as-sama. Wa thani, le deuxième c'est al-ayn, la vue. Wa hiya al-musammatu bi-ayn al-yaqin. C'est pour ça qu'on l'appelle bi-ayn al-yaqin. On retrouve ce mot souvent en arabe. Ayn al-yaqin. C'est-à-dire la certitude qui est vue. C'est-à-dire, ça se dit en vérité pour la certitude tout seul. Ayn al-yaqin. On est sûr comme si on le voyait. Wa hiya afdalu min al-martabati al-ula wa akmal. Elle est donc plus importante et plus complète que le premier degré qui est celui de la vue, celui de l'ouïe. Naam. Tout en sachant que les ulama disent que le yaqin c'est ad-din kulluhu. Les ulama disent que le yaqin c'est plus important que tout le reste parce que c'est ad-din kulluhu. La religion complète c'est al-yaqin. Wa qalu wa aidan fal-basaru yu'addi ila al-qalb. Donc la vue amène au cœur. Wa yu'addi anhu. Donc, celui qui va, bien sûr, être celui qui est avant le cœur, celui qui va ramener toutes ces choses vers le cœur. فَإِنَّ الْعَيْنَ مِرَاتُ الْقَلْبِ Car l'œil, c'est le miroir du cœur. Car l'œil est le miroir du cœur. يَظْهَرُ فِيهَا مَا يُحِبُّهُ مِنَ الْمَحَبَّةِ وَالْبُرْدِ وَالْمُوَالَةِ وَالْمُعَادَةِ وَالْسُرُورِ وَالْحُزْنِ وَغِيرِهَا Car on voit dans le cœur ce qu'il aime, hein, des choses qu'il va aimer, de ce qu'il va détester, s'il a donc de l'alliance pour toi, s'il t'aime, s'il est proche de toi, Al-Mu'ada, s'il te déteste, s'il est heureux ou s'il est triste, et autres encore. On voit justement donc les six, les signes, les sens, ce qu'il ressent, on revoit dans ses yeux. وَأَمَا الْأُذُنُ فَلَا تُؤَدِّي عَنِ الْقَلْبِ شَيْئَا الْبَتَّ. Et l'oreille ne va pas donc ramener ou faire montrer ce qu'il y a dans le cœur, jamais. Donc jamais on ne va pas revoir par l'oreille, on ne va pas dire « je remarque par, je vois dans tes yeux ceci, la joie ». Mais on ne dit pas « je vois dans tes oreilles la joie ou la tristesse ». وإنما مرتبتها الإيصال إليه حسب فالعين أشد تعلقا به. Donc la vue, l'ouïe plutôt, donc c'est le but de ramener ça au cœur, le vue, parce qu'on l'entend, c'est quelque chose que l'entend, que ça rentre dans le cœur, c'est un isal, c'est un moyen d'arriver au cœur. Mais l'ain, mais le cœur, mais l'œil plutôt, c'est plus lié. Donc ta'alluquhu, son lien est plus fort. Et en vérité, c'est donc le résultat de cela, c'est quoi? C'est anna kullan minhuma bihi khasiyatun fuddila biha ala al-akhar. En vrai, c'est que chaque membre, chacun des deux membres a une spécificité qui sera, bien sûr, qui va faire que dans ce domaine, donc ce membre là sera meilleur que l'autre dans des points qui sont bien précis. Falmudriku bisam'i Amu ou Ashmel. Le fait d'entendre, donc, sera plus spécifique. Va être plus large. Rafouan, donc, plus large. Et plus, ça va comprendre plus de choses. Walmu de l'ikoub il basari, atamu ou akmel. Mais celui qui voit avec l'œil, donc, ce sera atam. Donc, plus dans le sens où c'est plus complet. L'autre, c'est plus large. C'est plus général. Tandis que l'œil, c'est plus précis. Donc, c'est plus complet. Et c'est plus aussi, donc, c'est plus juste et plus complet. Contrairement à ce qui vient de ce qu'on entend, c'est plus large. فَالسَّمْعُ لَهُ الْعُمُومُ وَالشُّمُولُ. Donc, السَّمْعُ, l'ouïe, comprend et comporte ce qui est général. وَالْبَصَرُ لَهُ الظُّهُورُ وَالتَّمَامُ وَكَمَالُ وَالْإِدْرَاكُ. Tandis que le basar va quoi? Va éclaircir les choses. Ça va être clairvoyant, ça va être voyant. C'est vahir, c'est voyant. Et ça va aussi compléter justement, elle idrak. Tu as entendu quelque chose, mais quand tu le vois, tu le comprends mieux. Parce que tu le vois la chose. Donc il y a tamam el idrak. Tu vas mieux cerner la situation. Wa amma na'im ahl al janna fa shay'an. Par contre, les grâces des gens du paradis, on retrouve bien sûr deux sortes de grâces, deux types de grâces pour les gens du paradis. Ahaduhuma an nadharu ila Allah. Le premier, c'est le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala. وَثَانِي سَمَعُوا خِطَابِهِ وَكَلَامِهِ. Deuxièmement, c'est entendre. Donc, ses sermons et sa parole. C'est entendre ses sermons et sa parole. وَمَعْلُومٌ أَنَا السَّلَامَ مَهُ عَلَيْهِمْ وَخِطَابَهُ لَهُمْ وَمُحَادَرَتَهُ إِيَّاهُمْ لَا يُشْبِهُهَا شَيْءٌ قَطٌ. Il est clair que donc, son salut pour les gens du paradis, le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les gens du paradis, ses sermons pour eux, ses muhadara, donc ses cours ou ses discours plutôt, ses discours pour les gens du paradis ne ressemblent en rien à ce que l'on pourrait imaginer. Ça ne ressemble en rien, on ne peut pas se l'imaginer. Ça ne ressemble à rien de ce qu'on connaît, hein, et même l'imagination ne peut pas arriver à cela. Et il n'y aura rien de meilleur pour eux que cela, que d'entendre. Donc ils vont entendre, ils vont se parler, les gens du paradis. Ils parlent, mais Allah subhanahu wa ta'ala, sa parole est quoi? Elle est atyab, elle est meilleure que tout. وَلِهَذَا يَذْكُرُ سُبْحَانَهُ فِي وَعِدِ أَعْدَائِهِ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ. Et c'est pour cela que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle du châtiment de ses ennemis, il dit qu'il ne va pas leur parler. كَمَا يَفْكُرُوا اِحْتِجَابَهُ عَنْهُمْ. Comme il dit aussi qu'il va être donc caché d'eux, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas le voir. Il y aura entre eux et lui un voile. وَلَا يَرَوْنَهُ. Et ils ne le verront pas. فَكَلَامُهُ وَرُؤْيَتُهُ نَعِيمُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Et sa parole, donc le, sa parole et sa vue, c'est-à-dire le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les grâces des gens, donc ce sont des grâces pour les gens du paradis, wallahu a'lam. Al-wajhu al-hadi wa sab'un adawat nail al-ilm. 71 points, donc 71e point. Anna Allah subhanahu fi al-Qur'an يعدد على عباده من نعمه عليهم أن أطاعهم آلات العلم فيذكر الفؤاد والسمع والأبصار مرة يذكر اللسان الذي يترجم به عن القلب فقال تعالى في سورة النعم وهي سورة النحل. Donc dans Surat al-Nahl, dont Allah subhanahu wa ta'ala, donc les savants l'appellent Surat al-Ni'am. Surat al-Ni'am, donc la Surat des grâces. Dans Surat al-Nahl, verset 78. Allati dhakara fiha usul al-Ni'am. Donc, certes, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, montre à ses serviteurs, donc ses grâces. Il le cite, il dénombre pour ses serviteurs des grâces. Comme quoi il leur a donné donc les signes de la science, il leur a donné les instruments pour acquérir la science. Allah nous a donné les instruments pour acquérir la science. Il parle du cœur, donc il cite le cœur, il cite l'ouïe, il cite la vue. Et des fois aussi il cite la langue avec laquelle on va traduire cela, avec laquelle on va exprimer cela. Et c'est l'exprimation qui provient du cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate, qui est appelée chez les savants la sourate des grâces, qui est en vérité sourate des abeilles, où Allah subhanahu wa ta'ala parle des bases, ou sous le ni'am, les bases des grâces, wa furu'aha, ainsi que ses sous-bassements, ce qui découle de ces bases, wa mutimmatiha, et ceux qui viennent compléter ces bases, wa mukammilatiha, et c'est aussi bien sûr un synonyme, fa'addada ni'amahu fiha ala ibadihi. Donc il les a bien sûr dénombrés. Il a dénombré ses grâces pour ses serviteurs. Ta'arrafa biha ilayhim. Il s'est fait connaître à travers ses grâces pour ses serviteurs. Waqtadahum shukraha. Hein? Et bien sûr leur montre, c'est-à-dire la reconnaissance qui doit être obligatoire, automatique. Donc c'est va découler de cela une reconnaissance qui est obligatoire. وأخبر أنه يتمها عليهم ليعرفوها ويذكروها ويشكروها. Et il les a annoncé qu'il allait compléter donc pour eux, pour les serviteurs, ces grâces, afin qu'ils les connaissent, qu'ils évoquent ces grâces et qu'ils en sont reconnaissants. فأولها في أصول النعم وآخرها في مكملاتها فقال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وَجَعْلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Donc il dit subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il cite donc la première des grâces envers les serviteurs et la dernière ainsi, donc et la dernière pour compléter cela, il dit et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères dénués de tout savoir et vous a donné l'ouïe, les yeux et le cœur, c'est-à-dire l'intelligence, afin que vous soyez reconnaissants. Donc, Surat al-Nahl, verset 78. Donc, les savants l'ont appelé Surat al-Ni'am. Les savants l'ont appelé Surat al-Ni'am. Là, donc, la Surat des grâces, des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَذَكَرَ سُبْحَانَهُ نِعْمَتَهُ عَلَيْهِمْ بِأَنْ أَخْرَجَهُمْ لَا عِلْمَ لَهُمْ. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a énoncé cette grâce envers eux, comme quoi il les a sortis donc du ventre de leur mère, alors qu'ils n'ont aucune science, ils sont dénués de toute science. ثُمَّ أَعْطَاهُمْ الْأَسْمَعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَ. Puis il leur a donné, octroyé, la vue, l'ouïe, la vue et le cœur. أَلَّتِي نَالُوا بِهَا مِنَ الْعِلْمِ مَا نَالُوا. Et c'est-à-dire à partir desquels ils ont reçu la science qu'ils ont reçue. Parce que chacun a une science qui sera bien sûr différente de l'autre. Donc regardez le lien qu'il y a dans ce verset. dénué de tout savoir. Et après le savoir, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il vous a donné l'ouïe, le cœur, et les yeux et le cœur, pour dire que ces trois choses-là, de là vient l'un. Avec ces choses-là, on acquérit la science. Il faut avoir ces trois conditions pour acquérir la science. Et on a bien vu que ce que l'ouïe veut dire, ainsi que la vue. Il y a des savants qui sont aveugles, n'oubliez pas, mais ils voient avec leur cœur, ils voient avec leur cœur. Ils ont bien compris ce que cet islam veut dire. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Ahqaf, verset 26. Surat al-Ahqaf, verset 26. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَفْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Balad, verset 8 à 10, أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَتَيْنِ عينين عفوا عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. سورة البلد verse 8-10. فذكر هنا العينين اللتين يبصر بها فيعلم المشاهدات وذكر هداية النجدتين وهما الطريق الخير والشر وهو قول الأكثر المفسرين. Donc il dit, subhanahu wa ta'ala, dans le premier verset, nous leur avons assigné une ouïe, des yeux et des cœurs, mais ni leur ouïe, ni leurs yeux, ni leur cœur ne leur ont profité en quoi que ce soit, parce qu'ils niaient les signes d'Allah. Surat al-Ahqaf, verset 28. Donc Allah leur a donné de quoi comprendre, de quoi devenir intelligent, mais ils n'ont pas profité. Ils n'ont pas profité de cela. Et il dit aussi par la suite, dans Surat al-Balad, verset 8 à 10, Nous ne lui avons pas assigné des yeux et une langue et deux lèvres, et nous lui avons donné les deux guidés. Donc nous l'avons guidé des deux voies. Nous l'avons guidé des deux voies. Donc Surat al-Balad, verset 8 à 10. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ici, donc il a énuméré les yeux avec lesquels on voit, afin de connaître ce qui est présent, afin de connaître ce qui est devant nous. Il a aussi donc parlé et mentionné des deux guidés. Il a mentionné des deux guidés, qui sont celle du bien et celle du mal. Donc la bonne guidée et la mauvaise guidée. Et cela, bien sûr, est la parole de la majorité des mufassirin, la majorité des ulama du tafsir. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Insan, verset 3, إِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. Certes, nous l'avons guidé, donc nous lui avons montré la vue, la voie, nous lui avons montré la voie, il est ou reconnaissant ou renieur, il est ou reconnaissant ou mécréant. إِمَّا شَاكِرًا إِمَّا كَفُورًا. Ou il reconnaît ou il va renier. فَالْهِدَايَةُ تَكُونُ بِالْقَلْبِ وَالسَّمَعِ فقد دخل السمع في ذلك لزوما وذكر اللسان والشفتين اللتين هما آلة التعليم فذكر آلة العلم والتعليم وجعلها من آيته الدالة عليه وعلى قدرته ووحدانيته ونعمه التي تعرف بها إلى عباده. Donc cette guidée sera par le cœur et l'ouïe, l'entente. Et l'entrée, donc l'ouïe, est donc incluse, obligatoirement. L'ouïe va être incluse, donc obligatoirement. Et il a aussi cité la langue, les lèvres, qui sont donc les instruments de l'apprentissage. On parle, et on fait bouger nos lèvres, donc on parle, on fait sortir ces sons, qui sont les instruments de l'apprentissage. Et il a aussi donc parlé des instruments de la science et de l'apprentissage, et cela, bien sûr, donc ces signes-là sont des signes qui montrent la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, son unicité et ses grâces envers ses serviteurs. Et de cette façon-là, il s'est fait connaître par ses serviteurs. Il s'est fait connaître à ses serviteurs. Il s'est fait connaître à ses serviteurs par des signes comme cela. ولما كانت هذه الأعضاء الثلاثة وهي أشرف الأعضاء وملوكها المتصرفة فيها والحاكمة عليها، خصها سبحانه وتعالى بالذكر في سؤال عنها فقال. Il dit après, donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc lorsqu'on a vu que ces trois membres qui sont le cœur, la vue, donc l'œil et l'ouïe, donc les oreilles, sont les meilleurs membres et sont celles qui gouvernent les membres et sont celles qui vont gérer cela, c'est celles qui vont gérer justement le reste du corps, celles qui jugent, donc c'est celles qui sont juge pour ce corps, Allah subhanahu wa ta'ala les a bien sûr cités en particulier. Et il dit dans Sourate al-Isra, verset 36, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'oula. Et il dit subhanahu wa ta'ala, certes, l'ouïe, la vue et le cœur seront, tout cela seront questionnés. Donc ce ne sont pas. Ce sont ceux-là qui seront questionnés. Le cœur, la vue, l'ouïe, ils seront questionnés parce que tout provient de cela. Tu regardes le haram, tu écoutes le haram. Et le cœur, parce que tout cela, bien sûr, provient du cœur. Tout cela est lié. Ces membres-là sont liés au cœur. Fa sa'adatul insani bi sihhati hadhi al-a'dha'i al-thalathati. Donc, le bonheur de la personne est selon donc la bonne santé ou la sainteté de ses trois membres. Et son malheur est bien sûr par le fait que ses membres sont pervertis. Fayaqul ibn Abbas, radiallahu anhumah, يسأل الله العباد فيما استعملوا هذه الثلاثة. Allah subhanahu wa ta'ala va questionner ses serviteurs dans le comment, c'est-à-dire dans comment ils se sont servis de leurs membres. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ces trois membres? As-sam'a wal basar wal fu'ad. La vue, l'œil et le cœur. والله تعالى أعطى العبد السمع ليسمع به أوامر ربه ونواهيه ووحدانيته وربوبيته. ونواهيه ووعوده. Donc il dit subhanahu, donc Allah subhanahu wa ta'ala a octroyé au serviteur une ouïe avec laquelle il doit entendre ce que Allah a ordonné, ce que son serviteur a ordonné, interdit, et aussi donné en récompense, dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala, donc il a le fait qu'Allah a s'est porté garant, le fait qu'il a promis nam, ses promesses nam, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a promis. Wal qalba liyaqilaha wa yafqahaha. Et le cœur, c'est afin de raisonner dans ce dont Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et aussi dans le fait de comprendre. Le cœur est là pour raisonner et comprendre. Wal basara liyara ayatihi fayastadilla biha ala wahdaniyatihi wa rububiyatihi. Et l'ouïe, donc la vue, afwan, et la vue, c'est afin de voir ces signes et de user donc ces signes comme preuve, hein, pour donc ces signes sont là pour prouver l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa seigneurie. Fal maqsoudu bi i'ta'ihi hadhi al-alat al-ilm wa thamaratuhu wa muqtadahu. Donc le vouloir dire de cela, Allah nous a donné ces trois sens, c'est pour la science, les fruits de cette science et aussi ce que cette science comprend et comporte. La science, ses fruits, et ce que englobe cette science. Al-wajhu al-thani wa sab'un. 72e point. Al-sa'adat kulluha fil-ilm. Tous les bonheurs sont incluses dans la science. Tous les bonheurs sont inclus dans la science. إن أنواع السعادة التي يؤثرها النفوس ثلاثة. Donc on retrouve, il existe trois types de bonheur qui est justement donc demandé dans le cœur, qui est demandé dans le cœur. Donc trois types de bonheur, hein, qui est justement prédominante, qui est normalement demande dans le cœur est prédominante. Sa'adatun kharijiyatun. Un bonheur qui sera extérieur. Donc extérieur au corps en lui-même. Un zatil insan. Donc extérieur au corps de l'homme. Bel hiya musta'aratun lahu min ghayrihi. Mais plutôt celle-là, elle est prise d'autrui. Elle va être prise d'autrui. C'est un bonheur qu'on va être compte, qu'on demande, qu'on espère par l'autre. Nuzulu bi'isti. باسترداد العارية وهي سعادة المال والجاه. Donc ça, ce bonheur-là, c'est justement le bonheur qui va venir maintenant par les bienfaits et aussi l'honorabilité, la place qui reste honorable. Donc c'est ce qui est demandé par l'autre. Donc le fait d'être honorable aux yeux des gens maintenant et d'avoir maintenant donc un bien, parce qu'on sait que tous les biens que l'on a, c'est parce que maintenant donc on a eu besoin des autres personnes. Rien ne vient de nous-mêmes. Il suffit de savoir que mathalan, l'habit que vous portez, peut-être que il y a eu 20 personnes qui sont passées pour que cet habit existe. Donc la fabrication du tissu, de la laine, le transporteur, le vendeur. Donc avant de vous porter quelque chose, il faut beaucoup de personnes. Une chaîne de transmission, il y a une chaîne de personnes. Donc c'est ça, par rapport à cela. Watawabi'iha. فبين المرء بها سعيدا ملحوظا بالعناية مرموما بالأبصار إذ أصبح في اليوم الواحد الظل من وت بقاع يشبه رأسه بالفهرواجي. الفهرواجي سي دونك الحجر دونك سي الحجر الله أعلم سي سكيز أبل الحجر. Donc, فَسَعَادَةُ وَالْفَرَوْحُ بِهَدِي كَفَرَحِ الْأَقْرَاحِ بِجُمَّةِ إِبْنُ عَمِّهِ وَالْجَمَالُ بِهَا كَجَمَالِ الْمَرْءِ بِثِيَابِهِ وَبِزِينَتِهِ فَإِذَا جَاوَزَ بَصَرُكَ كَسَوْتَهُ فَلَيْسَ وَرَأَ عِبَادَةَ كَرْيَةٌ. Donc par rapport à cela, donc il cite des exemples de ceux qui pouvaient comprendre par rapport à avant, par rapport, donc c'est des mots qui étaient surtout utilisés, hein, des expressions arabes qui étaient utilisées à l'époque, Et donc par rapport à cela, c'est de, on comprend que, hein, on comprend que la personne est heureuse, hein, par rapport des fois aussi, donc ça c'est une façon d'être heureuse dans ce qui va être extérieur, dans ce qui va être donné, dans ce qui va être échangé, il a khili. Donc ça, c'est une sorte de bonheur, donc par rapport à chose de la vie d'ici-bas. ويحكى عن بعض العلماء أنه ركب مع تجار في مركب فانكسرت بهم السفينة فأصبحوا بعد عز الغني في ذل الفقر. Donc certains savants racontent qu'ils étaient donc dans un bateau avec certains commerçants et donc ce bateau bien sûr s'est cassé. Donc ils ont tout perdu, les commerçants ont tout perdu, ils sont devenus pauvres. Wa wasala al-alim ila al-balad. Donc lorsque le savant est arrivé au pays, fa akulima wa qusida bi anwa'i al-tuhafi wa al-karamat. Et bien sûr donc ce savant a été honoré. Hein, il a été honoré et il a reçu donc, il a eu aussi bi'iznillah, donc ce qu'on appelle el-karamat, donc il a été bien vu, hein, donc il a été, c'est-à-dire dans le sens où les gens l'ont bien accueilli et se sont bien occupés d'eux, donc ils ont été généreux, il a reçu une grande part de générosité de la part des gens, فلما أرادوا رجوعا إلى بلدهم قالوا هل لك إلى قومك كتاب أو حاجة؟ Donc là, lorsqu'il a voulu repartir, lorsqu'ils ont voulu repartir dans leur pays, ils ont dit donc, as-tu, c'est-à-dire pour ton peuple, un livre ou quelque chose à dire, hein, Haja, faqal, na'am, taquluna lahum, ida ittakhadhtum malan, fattakhidhu malan, la yarliqa ida inkasrat as-safina, fattakhidhu al-ilma tijaratan. Donc il leur a dit, donc dites, c'est-à-dire à ce peuple, est-ce que tu vois donc un, c'est-à-dire en fin de compte un conseil à laisser, parce que tu nous quittes. Donc il leur a dit, dis-leur que lorsque vous voyagez, donc ne prenez pas quelque chose qui va faire casser, quelque chose que si, hein, quelque chose que si, c'est-à-dire le bateau se casse, cette chose-là se casse, mais plutôt prenez la science comme commerce. Prenez la science comme commerce. Donc on est toujours par rapport à la suprématie de la science. Eux, les Toujars, ils sont riches. Mais ils n'ont que ça. Ils n'ont que leur bien comme richesse. Et donc c'est toujours par rapport au premier signe, le bonheur. Que les gens, des fois, il y a des gens qui recherchent le bonheur de la vie d'ici-bas. Donc ça, c'est pas le bonheur qui est demandé normalement. La personne va travailler, va faire ceci, va faire cela. C'est afin de pouvoir survivre, de pouvoir vivre normalement, de pouvoir acquérir des biens de la vie d'ici-bas. Tout en remerciant Allah subhanahu wa ta'ala, et tout en, bien sûr, n'oublions pas qu'il doit donner, parce que cela provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, il le donne à qui il veut, il retire à qui il veut. Donc c'est pour ça qu'on retrouve dans certains hadiths, « وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ » Donc par rapport aux riches, « وَيَتَصَدَّقُونَ » et ils donnent, ils font, donc ils font la zakat, ou bien ils font la sadaqa, du surplus de leur argent. Le surplus de l'argent, c'est pas pour avoir du surplus, pour qu'il soit caché quelque part, dans un compte ou sous l'oreiller, mais plutôt pour que une partie de ce surplus soit donnée. Donc prenez la science comme tijara. Le savant, quand il est sorti, ça a rien changé pour lui. Sa science n'a pas disparu, n'a pas coulé avec le bateau. وَاجْتَمَعَ رَجُلٌ ذُو هَيَّةٍ حَسَنَةٍ وَلِبَاسٍ جَمِيلٍ وَوَرَاءٍ بِرَجُلٍ عَالِمٍ فَجَسَّ الْمَخَاضَ يعني اختبره وامتحنه فلم يرى شيئا فقالوا كيف رأيته فقال رأيت دارا حسنة مزرخفة ولكن ليس بها ساكن. Donc un homme qui était donc de très belle apparence, de très beaux habits, donc il était avec lui, donc auprès de lui, donc derrière lui il y avait un homme qui était savant. Et il s'est passé donc entre eux donc une discussion, et bien sûr le savant l'a éprouvé, donc l'a questionné, afin de voir ce que avait cette personne comme science. Donc il lui a parlé et il n'a rien vu en lui. C'est-à-dire il a vu cette personne vide, vide religieusement, vide dans le point de vue de la science. Et on lui dit, qu'as-tu vu de lui ? On lui questionnait, qu'as-tu vu de lui ? Il a dit, j'ai vu une belle maison, bien agencée, donc bien agencée. Mais je n'ai vu aucun habitant dans cette maison. C'est une maison qui est bien agencée, mais elle est vide. Donc c'est une maison qui n'a pas d'habitants. Donc c'est que un beau corps, hein, des beaux habits, une belle allure, mais simplement le cœur est quoi ? Est vide. Le cœur c'est l'habitant. L'habitant est vide. Sa'adatu athaniya. Deuxième type de bonheur, sa'adatu fi jismihi wa badanihi, qasihatihi wa i'tidali mazajihi. Donc le bonheur dans son corps, hein, donc dans son corps. C'est-à-dire comme par exemple la bonne santé, être en pleine forme et que tout va bien, hein, donc tout est bien à sa place. Wa tanasubi a'dha'ihi, et bien sûr ses membres sont bien. Wa husni tarkibihi, et bien sûr il a bien été façonné de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa safa'i lawnihi, il a même de voir même donc on va dire une belle peau, une belle couleur مثلا. Wa quwwati a'dha'ihi, une force donc مثلا des muscles, il est musclé. Fa hadhi alsaqu bihi min al-awla. ولكن هي في الحقيقة خارجة عن ذاته وحقيقته فإن الإنسان إنسان بروحه وقلبه لا بجسمه وبدنه كما قيل. Donc bien sûr on va voir que ce deuxième point est peut-être plus proche par rapport au corps que le premier, même si en vérité c'est quelque chose qui est extérieur. Parce que le vrai corps, hein, c'est le vrai corps de humain, c'est celui qui a quoi? Une âme et un cœur. Mais pas celui qui a un corps, tout simplement. Comme a dit, « Ya khadim al-jismi kam tashqa bi khadmatihi fa anta bi ruhi la bil jasim al-insanu. » Oh, celui qui travaille son corps, combien tu te fatigues, combien tu es malheureux de ton travail. Donc esclave de ton corps. Oh, esclave de ton corps, ça serait plutôt esclave même. Oh, esclave de ton corps, combien tu es malheureux de ton esclavage. Car toi, avec une âme sans corps, hein, car toi, avec une âme sans corps, tu es un homme. Hein, c'est-à-dire, tu as un, c'est-à-dire, dans le sens où, biruh, voilà, là, car toi, avec une âme, mais pas avec le corps, tu es un homme. Afwan. Car toi, avec l'âme, mais pas avec le corps, tu es un homme. Et on a bien su que certains ulama n'avaient donc pratiquement que le bustier et la tête. Ils avaient des fois, donc même la lèpre, ils avaient donc des peaux, des maladies de peau, ils étaient aveugles. Ce n'étaient pas des corps qui seraient peut-être dans le sens attirant pour, enfin, au premier abord, si c'était pour un mariage ou quoi que ce soit. Mais simplement, ils étaient attirants et on revenait à lui du monde entier pour son ilm et sa fatwa. Et on l'aimait fortement. Alors que, pourquoi? Parce que il a une âme et pas n'importe quelle âme. فَنِسْبَتُ هَدِهِ إِلَى رُوحِهِ وَقَلْبِهِ وَنِسْبَتِ ثِيَابِهِ وَلِبَسِهِ إِلَى بَدَنِهِ. Donc, la relation qu'il y a, c'est bien sûr entre le corps et le cœur, c'est comme la relation entre les habits et le corps. C'est-à-dire l'âme, la relation avec le cœur, comme les habits ont la relation avec le corps. فَإِنَّ الْبَدَنَ أَيْدًا عَارِيَةٌ لِلْرُوحِ. Car bien sûr, donc, le cœur peut être dénué d'âme. فَآلَةٌ لَهَا وَآلَةٌ لَهَا. Et donc, cette âme, ce corps est quoi? C'est juste un instrument pour cette âme. Ce qui compte, c'est pas le corps, c'est l'âme. Le corps, c'est qu'un instrument. Tu peux pas te suicider. Parce que justement, ce corps-là ne t'appartient pas. Il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux pas justement, c'est pour ça qu'Allah, il te demande même pas de changer ta création. Il te demande pas de te changer. Comme certains viendraient à changer ceci ou cela dans le corps. Parce que le corps, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. وَمُرَكَّبٌ مِنْ مَرَاكِبِهَا. Et il est bien sûr donc façonné ou agencé de ce qu'il y a. Donc ses membres ont été bien sûr placés comme il le faut. فَسَعَادَتُهَا بِسِحَّتِهِ. Et bien sûr son bonheur sera par rapport à sa sainteté. وَجَمَالِهِ وَجَمَالِهِ وَحُسْنِهِ وحسنه سعادة خارجة عن ذاتها وحقيقتها. Et bien sûr, donc sa beauté, c'est une beauté qui va être extérieure de, c'est-à-dire de quoi? De ce qu'il y est. La beauté à l'extérieur, en toute vérité, elle n'est pas dans le corps en lui-même. Un tel ou un tel des ulama qui n'ont peut-être pas spécialement une beauté que les gens pourraient comprendre quand on parle de quelqu'un qui est beau, c'est-à-dire qu'on se comprend. Donc, et pourtant, il est quand même largement bien plus attirant parce qu'il a du ilm, parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela, et parce que même s'il est âgé, on a plaisir à le voir. Hein, on a plaisir à le voir. Qu'est-ce qui attire les gens de cette personne qui est munawwara, qui va être illuminée par justement sa science et sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. السعادة الثالثة, troisième bonheur, هي السعادة الحقيقية. C'est le vrai bonheur. السعادة الحقيقية. Le vrai bonheur. وهي سعادة نفسانية وروحية قلبية. Donc c'est le bonheur. Donc de l'âme, hein, nefsia. Donc le nefs وروحية. Aussi, en fin de compte, c'est la même chose. Lorsqu'on dit nefs وروح, lorsqu'on parle de du nefs et roh, En fin de compte, le nefs, donc c'est ruh qui est dans le corps. Et lorsqu'on parle du... S'ils sont cités en même temps, on peut les séparer. En vérité, le nefs, c'est le ruh qui est dans le corps. Et le ruh, c'est le ruh quand il est sorti du corps. C'est ça la différence entre les deux, entre le nefs et le ruh. Ça dépend comment ils sont cités. Le nefs, c'est le ruh. Le ruh, c'est le nefs. Mais si on les retrouve ensemble, en ce moment, on les sépare. Celui qui est dans le corps et celui qui est sorti du corps. Qalbiyan. Donc, on voit qu'il y a, donc, il y a justement cette âme et ce cœur. وهي سعادة العلم النافع ثمرته فإنها هي الباقية على تقلب الأحوال. Donc c'est justement le bonheur de quoi? De la science qui est profitable ainsi que ses fruits. Et elle reste, hein, quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe dans la situation, celle-là, elle reste. On connaît les ulama. Vous prenez l'exemple de Cheikh Issam Taymiyyah, rahmatullah alayhi, par rapport à ses épreuves, il se retrouve en prison, il souffre, on lui fait, l'imam Ahmed, on le torture, on le change de prison en prison, on le fait balader, on lui fait ceci, on lui fait cela, ça ne change rien à sa foi. Parce que sa foi, elle est dans son cœur, sa science, elle est dans son cœur, sa foi est à l'intérieur. Ça va rien changer. Comme il dit l'imam Ahmed, si on me déplace, Cheikh Issam Taymiyyah dit, si on me déplace, c'est siyaha, c'est un voyage. Si on m'emprisonne, c'est une khulla. Je suis avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est quoi? C'est le fait de je reste seul avec Allah subhanahu wa ta'ala. Car ses noms et attributs sont dans mon cœur. Car les noms et attributs d'Allah sont dans son cœur. Ça va rien changer en lui-même. Il sait que tout cela lui a été écrit. Et plus tu te rapprocheras d'Allah, plus bien sûr tu seras éprouvé. Donc quoi qu'il se passe pour ses savants, ça va rien changer pour eux. Et ça c'est justement le cas du croyant, qu'il lui arrive un bien, il en est content, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah lui inflige d'une épreuve ou d'un malheur, il patiente et Allah subhanahu wa ta'ala le récompense en tout cela. Donc ça ne change rien. Wal musahabatu al-abd fi jami' asfarihi wa fi dawrihi athlathati a'ni dar ad-dunya dar al-barzakh dar al-qarar wa biha yartaqi fi ma'arij al-fadl wa darajat al-kamal. Donc la personne, ce serviteur humble, donc sera dans tous ses voyages et dans ses trois demeures de la même façon, il ne change pas. C'est-à-dire dans la vie d'ici-bas, il a le bonheur. Dans le barzakh, dans la tombe, il a le bonheur. La tombe, elle lui est élargie. Il voit sa place au paradis. Les anges, lorsqu'ils questionnent, ils répondent en toute vérité. L'homme qui vient, qui est beau, qui sent bon, qui lui dit des bonnes paroles, c'est ses actes. Donc il ne voit que cela. Il demande et il voudrait revenir sur terre pour dire à ceux qu'il aime, qui? Sa famille. Regardez, sa famille. D'où l'importance encore une fois de la famille, parce que c'est eux. Il veut revenir voir sa famille pour dire justement, et c'est bien aussi, sa famille et ceux qui seront proches, hein, mais en commençant par sa famille, pour dire comment il est bien là-bas, donc œuvrez bien afin que vous soyez aussi bien. Il veut revenir sur terre afin d'annoncer les gens. Et la personne, donc, elle va s'élever dans, bien sûr, les degrés de bien et de complémentarité, le fait qu'il sera complet. فَأَمَّا الْأُولَى فَإِنَّهَا تُصَحِّبُهُ في البقعة التي فيها ماله وجاهه. Et donc le premier type de ce bien là c'est justement que la personne va, donc ce bien, donc la personne, c'est-à-dire ce bonheur là va l'accompagner dans l'endroit où il a ses biens et sa place, c'est-à-dire son rang. Donc la personne possède maintenant un bonheur. Il possède aussi des biens, il possède aussi un rang. وَثَانِيَا فَعُرْدَةٌ لِلزَّوَالِ وَتَبَدُّلِ بِنَكْسِ الْخَلْقِ وَرَدِّ إِلَى الضَّعْفِ فَلَا سَعَادَةَ فِي الْحَقِيقَةِ إِلَّا فِي هَذِهِ الثَّلَاثَ. Le deuxième, c'est que la personne, donc, par rapport toujours là, on a affaire à ce bien-là. Le bien qu'elle mêle et le djah. Donc, on va dire sa réputation, si on peut dire ça comme ça, et ses biens. Elles peuvent disparaître. Et elles peuvent donc changer. Sa réputation, elle peut changer. Il peut avoir de l'argent et après même voir se retrouver avec des dettes. Donc sa situation, elle va complètement être le contraire. Donc en ce moment-là, donc c'est pour ça que lorsqu'on voit cela, la sa'adata fil haqiqati illa fil thalitha, hadith thalatha. Donc il n'y aura pas de bonheur que par cette troisième thalitha, cette troisième part qu'on a vue, c'est le troisième bonheur, c'est le seul bonheur. Allati kullama tala 'alayha al-amad izdadat yani quwwatan wa 'uluwan. Plus la personne va y vivre, plus la personne bien sûr va être forte et monter en degré. فَإِذَا عُدِمَ الْمَالُ وَالْجَاهُ فَهِيَ مَالُ الْعَبْدِ وَالْجَاهُ. Car si l'argent serait amené à disparaître, et même donc ce rang, ou cette réputation, donc ce ne sont que d'une réputation et qu'un rang. وَتَظْهَرُ قُوَّتُهَا وَأَثَرُهَا بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ الرُّحِ الْبَدَنِ إِذَا انْقَطَعَتْ السَّعَادَةً الْأُولَةً. Car en ce moment-là, la personne, une fois qu'elle sera dénuée de cela, va lui rester quelque chose. C'est justement la force de l'âme, une fois qu'il n'y aura plus rien. Il y a des gens qui ont perdu de l'argent. Mais comme ils avaient, cette fois-là, ils ont patienté. Bien sûr, ils savent que Allah subhanahu wa ta'ala les a éprouvés pour cela. Donc, il a resté quelque chose dans eux, c'est justement leur force. Parce qu'il avait peut-être cette réputation, ou cette place se rend, peut-être que à cause de son argent. Que peut-être que à cause de son bien, ses biens. فهذه السعادة لا يعرف قدرها ولا يبعث على طلبها إلا العلم بها. Donc ce bonheur ne connaît pas donc son niveau ou sa haute place et ne la recherche pas, c'est que par la recherche de la science de ce bonheur. Celui qui veut ce bonheur, il recherche la science. C'est-à-dire comment acquérir ce bonheur. Donc c'est par la science. فَعَادَتْ السَّعَادَةُ كُلُّهَا إِلَى الْعِلْمِ وَمَا يَقْتَدِهِ. Donc tout le bonheur doit revenir à la science et ce que comprend cette science. وَاللَّهُ يُوَفِّقُ مَنْ يَشَى لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعَ. Et Allah donc, fait réussir qui il veut. Cela, Allah l'octroie, le donne à qui il veut. Il n'y aura pas donc de manière d'interdisseur que ce que Allah aura donné, c'est-à-dire la personne ne sera pas privée que ce dont Allah lui aura donné, et aussi tu ne recevras pas que ce Allah, bien sûr, tu n'auras pas reçu que si Allah t'a interdit. Si Allah t'a interdit, tu ne recevras pas. Et si Allah t'a donné, donc il n'y aura pas, bien sûr, d'interdiction. Pas de privement, pas de priverie. Wa innama rariba akhfarul khalq an iktisab hadhihi sa'adati wa tahsilaha li'u'urati tariqiha wa mirarati mabadiha wa ta'abi tahsilaha wa innaha la tunalu illa ala jasrin aw jasrin min at-ta'b. Donc celui Donc à chaque fois que la personne, ou la majorité des personnes qui ont désiré cette science, désirent acquérir ce bonheur, ils ont dû donc emprunter la voie de quoi ? C'est-à-dire de la fatigue. Ils se sont fatigués. Ils ont emprunté un chemin qui est long. Ils se sont fatigués. Ils ont peiné pour pouvoir accéder à cette science. Car cette science ne s'acquitte pas que par le pont de la fatigue. Le chemin que tu vas prendre, le chemin ou ce pont qui va t'amener, ou cette passerelle qui va t'amener à cette science, c'est la passerelle de la peine. C'est la passerelle de la peine. فَإِنَّهَا لَا تُحَصَّلُ إِلَّا بِالْجِدِّ الْمَحْضِ. Elle ne va pas être obtenue que par la forte volonté. Pas juste une petite volonté, une petite envie. De temps en temps, une heure par-ci, une heure par-là. Sachez que les savants disent que celui qui donne son temps complet à la science, elle lui donnera peu. Mais celui qui donne peu de temps à la science, elle ne lui donnera rien. Naam. Bikhilafi al-uwalain. Contrairement aux deux autres. On peut très bien, très peu œuvrer et avoir une bonne réputation, parce qu'on a de l'argent, ou avoir de l'argent. Il est possible qu'on ne va pas peiner pour avoir de l'argent. Et aussi, on ne va pas peiner peut-être pour avoir une bonne réputation. مثلاً. Ou un certain rang. فَإِنَّهُمَا حَذٌ قَدْ يَحُوزُهُ غَيْرُ طَالِبِهِ. Car c'est une part que la personne peut avoir sans se fatiguer. Ça, un héritage. Mes parents sont riches. Classe, moi je reçois. Est-ce que j'ai cherché après la richesse? J'ai pas cherché, je l'ai reçu de mes parents. On m'a donné. مثلاً, une personne, elle va, imaginez-vous, elle va jouer au loto. Bien sûr, c'est haram. Faut pas le faire. Mais c'est un exemple. Elle joue au loto, elle gagne. Classe. Elle s'est fatiguée pour avoir ce million d'euros ou ces millions d'euros. Pourtant, il faut se fatiguer à l'usine, hein, ou bien au bureau pour pouvoir arriver à cette somme-là. On n'arrivera pas. Pourtant, elle n'a pas fait ça. Et il suffit des fois d'une petite chose pour accéder à un rang. Imaginez-vous, on parle de la dunya, c'est un exemple. Une personne sauve quelqu'un du canal, de la noyade. Il va venir le président, il va le couronner, légion d'honneur, les gens du quartier, du village, de la ville l'aiment bien. Grâce, il a pris une place, il a pris un rang. Ça, c'est possible. Il a peut-être fait un geste qui lui a duré une demi-heure. Ça n'a pas demandé un tab qui a été très long. Mais en une demi-heure, tu fais ce que tu veux, tu n'auras jamais la science. Hein? En grattant sur des feuilles, tu n'auras jamais la science. Donc, on voit la différence entre la dunya, hein, les choses de la vie d'ici-bas, et l'ilm. C'est-à-dire, on peut très bien être, comme on l'a dit, être né riche. Donc on n'a rien fait. Ses parents sont millionnaires, milliardaires, et puis rien, ça s'arrête là. Ce sont des héritiers, c'est tout. وَبَحْتٌ قَدْ يَحُوزُهُ غَيْرُ جَالِبِهِ مِنْ مِرَافٍ أَوْ هِبَّةٍ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ. Donc on voit que c'est donc cette richesse et ce rang, donc la personne l'aura comme ça, elle l'aura naturellement, donc par l'héritage par exemple, ou par un don, ou autre. وَأَمَّا سَعَادَةُ الْعِلْمِ فَلَا يُورِثُكَ إِيَّهَا إِلَّا بِذُلِّ الْوُسْعِ وَصِدْقُ طَلَبِ وَصِحَّةُ نِيَّتِ. Par contre, le bonheur de cette science, tu ne vas pas l'acquérir, donc tu ne seras pas héritier de cette science, que si tu as fait beaucoup d'efforts. L'ouse. Donc tu as donné tout ce qu'il y a en toi-même, tes biens, ta fatigue, ton temps d'abord, ta compréhension, ton intelligence, ta fatigue, tout cela, c'est quelque chose. C'est justement le plus, tu as donné le plus, le meilleur de toi-même pour cela. Et aussi, bien sûr, donc il faut être véridique dans la demande et avoir une bonne intention. Il faut être véridique, donc il faut être véridique dans cette demande, ainsi qu'il faut avoir une très bonne intention. وَقَدْ أَحْسَنَ الْقَائِلُ فِي ذَلِكَ. Et celui qui prononce ces paroles qu'on va citer a très bien dit. فَقُلْ لِمُرْجِي مَعِلِ الْأُمُورِ بِغِي لِشْتِهَادٍ رَجَوْتَ الْمُحَالَ. Donc un poète dit à celui qui veut la haute place, donc celui qui veut les autres choses, les choses qui sont de rang, c'est-à-dire quand on parle des au rang, on parle bien sûr des bons comportements, tout cela. On parle de la bonne science, hein. Donc la bonne séance, c'est-à-dire comment la personne doit être. Sans faire d'efforts, donc ça veut dire qu'il espère l'impossible. Donc celui qui espère avoir les hauts rangs sans émettre d'efforts, dis-lui donc qu'il espère l'impossible. وقال الآخر, et un autre poète dit, لولا المشقة ساد الناس كلهم. S'il n'y avait pas de difficulté, tout le monde serait donc maître. S'il n'y avait pas de difficulté, tout le monde serait donc maître. Al-jawdu yufakkiru, nam yufakkiru wal-iqdamu fat-qattalu. Donc, al-jawd, le fait de faire donc l'effort, fatigue ou bien amoindri, dans le sens où l'effort va rendre les gens faibles. Mais maintenant, il y aura beaucoup de gens qui ne vont pas acquérir cela. Parce que l'effort est tellement difficile qu'il y aura beaucoup de gens qui vont laisser tomber. Donc, ils seront devenus pauvres par rapport à cet événement, par rapport à ce qu'ils veulent faire. Et aussi, le fait d'essayer, l'irdam, le fait d'essayer cela, des fois, donc tu, dans le sens qu'on dit en arabe, ça se dit, mais en français, on ne trouve pas réellement le synonyme. Donc, le sens, c'est que on va essayer, mais il y a des gens qui vont quoi? Qui ne vont pas réussir. Ils vont essayer, mais ils vont pas réussir. C'est pas ça, des qattal. Ils vont en fait éliminer. Donc, le fait d'essayer, cela, ça va éliminer des gens. Pas tout le monde va arriver au bout de la rue. Il y aura beaucoup de gens qui vont être éliminés en cours de chemin. C'est cela. C'est ça que ça veut dire, donc, ce vers. Donc, on voit des fois juste un mot en arabe, on ne va pas spécialement le trouver, bien sûr, en français. C'est spécial. Il reste combien de temps ? 8 minutes. وقد طمعت همته في الى الامور العاليه فاوجب عليه ان يشد على محبته الطرق الدينيه. Donc celui qui a l'envie, le désir fort, donc celui qui a la grosse niya, donc la niya importante, c'est-à-dire celui qui a vraiment le désir qui est fort afin d'obtenir et d'acquérir donc ses hauts rangs, Il est obligatoire pour lui de quoi ? Donc de prendre, donc de quoi ? De suivre et d'emprunter les voies religieuses pour cela. Donc il va emprunter les voies religieuses pour cela. Wa hiya as-sa'adatu. Et c'est bien sûr donc le bonheur. Wa in kanat fi ibtida'iha la tanfakku 'an darbin min mashaqqatin wal kurhi wa ta'addihi fa innaha mata ukrihta النفس عليها وسقيت أو وسيقت نعم وسيقت طائعة وكارهة إليها وضربت على لوائها وشدتها أفدت منها إلى رياض منقط ومقاعد صدق ومقام كريم يجد كل لذة دونها كلذة اللعب الصبي بالعصفور بالنسبة إلى لذة الملوك فحينئذ حال صاحبها كما قيل وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما بعدها إلى مذهب فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب. Donc, ce bonheur, si dès le départ, la personne ne goûte pas justement cette difficulté et ça veut dire des choses qui va le détester, peut-être le fait qu'il déteste ma femme, comme exemple le fait qu'il va détester de se lever tôt afin d'apprendre par exemple après soupe, qu'il va pas faire des efforts, donc il va peut-être aimer certaines choses, aimer dormir, aimer trop se reposer, mais il va goûter à ce qui va être à l'origine détestable pour lui s'il ne va pas donc casser son œuf, s'il ne va pas écraser son œuf par rapport à cela, donc il va un peu prendre sur lui, il va prendre sur lui, donc il n'y aura pas justement, donc il va quoi ? Si la personne n'a pas cela, il va détester donc justement le fait de vouloir apprendre, il va détester cela. Et aussi, donc il va ressembler à quoi ? Donc par rapport à cela, il va ressembler en fin de compte à un enfant qui joue avec un oiseau. Il va être comme un enfant qui joue, hein, donc son désir, ça sera le désir d'un enfant qui joue avec un oiseau. Donc ça va être rapide, mais pas justement comme il le faut. Donc là, il y a des poésies qui sont bien sûr très difficiles à traduire. Et il dit, c'est-à-dire par rapport aux poésies, donc en expliquant le sens, c'est que la personne, lorsqu'elle a vu que donc ses passions l'interdisent d'arriver à ce qu'il veut, hein, d'arriver à ce qu'il veut, et qu'il n'a pas eu donc ce qu'il voulait, donc il a bien compris qu'il jouait. Si la personne elle voit qu'elle essaie de n'importe quelle façon d'apprendre la science, mais aujourd'hui il fait ça, demain il fait ça, il ne passe jamais par les vraies voies. Il fait ça aujourd'hui, il essaye demain comme ça, après demain il essaye comme ça, il veut faire 4 livres en même temps. Il veut apprendre ceci, il veut pas apprendre cela, il ne suit en fin de compte que ce qu'il veut lui, qu'il sache qu'il est considéré comme un enfant qui joue avec un oiseau. Donc regardez un petit peu l'exemple que ces poètes donnent, ou c'est s'abandonne. C'est-à-dire qu'en réalité, il ne va pas aller loin. Donc ça ne sera pas profitable qu'il va juste se faire plaisir au moment où il va s'amuser, mais une fois que l'oiseau va partir, ça s'arrête là. On sait bien qu'un oiseau ne tient pas longtemps. Lorsque l'enfant court après, l'oiseau part. L'enfant veut attraper l'oiseau. Maintenant, imaginez-vous un pied des pigeons dans un parc. L'enfant va courir après l'oiseau. Qu'est-ce qu'il fait l'oiseau? L'oiseau, il s'envole. Donc voyez l'exemple un petit peu. Falmakarimu manutatun bin makareh. Car l'honorabilité, justement, elle est composée de quoi? Donc elle est composée, on va retrouver dans cette générosité, dans le sens où les bonnes choses, les choses de valeur, quand on dit makarem, c'est les choses qui sont de valeur, les choses qui sont nobles, elles sont composées de choses qui sont difficiles, des choses qui sont détestables. On doit passer par le détestable avant d'arriver justement à ces rangs. Le fait de se fatiguer énormément, le fait de patienter, le fait de subir. Et tout ça, c'est détestable à l'origine. Fasa wa sa'adatu la yu'baru ilayha illa ala jisri al-mashaqqa. Et aussi, donc, le bonheur ne sera pas passé que par le pont ou la passerelle de la difficulté. Wa la tuqta'u masafatuha illa fi safinati al-jiddi wal-ijtihad. Et aussi, donc, tu ne pourras pas passer ce chemin que par le bateau, ou bien sûr, la monture. On peut très bien appeler n'importe quelle monture. La monture de quoi? De l'effort. La monture de l'effort. Donc, on ne pourra pas arriver à l'effort. Wa qala muslim fi sahihi, qala Yahya ibn Abi Kathir, la yunalu al-ilm bi rahat al-jism. Al-jism. La yunalu al-ilm bi rahat al-jism. Donc il dit, Yahya ibn Abi Kathir, on retrouve ça dans Sahih Muslim, la science ne s'acquiert pas par le repos du corps. La science ne s'acquiert pas par le repos du corps. وَقَدْ قِيلَ مَنْ تَلَبَ رَحَةَ تَلَكَ رَحَةَ. Et on dit aussi, celui qui demande donc le repos, laisse le repos. Et aussi, on retrouve aussi à Kulhel, donc, dans cette parole, on peut dire la même chose aussi. Men talaba, donc men talaba raha, taraka raha. Et c'est la même chose pour le contraire. Dans le sens où celui qui demande le repos a délaissé le repos. Je donne un exemple. Comment on va délaisser le repos? Maintenant, pendant les examens, la personne, elle ne fait rien pendant toute l'année. C'est bête les examens, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit redoubler d'efforts. Parce que talabat al-raha, elle a demandé le repos toute l'année, ou une bonne partie de l'année, et quand ça approche les examens, à ce moment-là, elle fait tous les efforts. Donc talakat al-raha, elle a délaissé le repos, tellement elle a souffert. Tandis que le contraire, men talakat al-raha, talab al-raha. Tandis que le contraire aussi, on peut l'utiliser. Donc celui qui a délaissé le repos, parce que lui, il a bossé, donc celui qui a deux, parce qu'il a bossé, même avant les examens, il peut très bien le laisser. Ça va être qu'une lecture simple. On l'a bien vu, nous, à l'université. Quand j'y étais, on a bien vu ça. La veille, si on tenait bien la matière, c'était juste une révision, c'est une lecture simple. Mais si la matière, on avait tous les mal, on souffrait pour bien la voir le lendemain. Donc on a vu le contraire. Donc apprenez ça. Men taraba raha, taraka raha. Et le contraire, men taraka raha, taraba raha. Donc voilà comment on peut l'expliquer par exemple. Faya wasal al habib. Et aussi donc, أما إليه بغير مشقة أبدا طريق donc celui qui veut arriver à quelque chose qu'il aime sans se fatiguer donc bien sûr n'arrivera pas à ce chemin n'arrivera pas à cela donc il ne trouvera pas de chemin tu veux pas te fatiguer mais tu veux être un savant tu veux pas fatiguer mais ça y est tu commences déjà à faire des fatwas tu veux pas te fatiguer mais tu veux être le shir tu veux pas fatiguer en général c'est ceux qui se fatiguent pas qui veulent être le shir alors que tous les ulama se sauvent. Ils évitent les fatwas, ils évitent tout cela. Ils évitent tout ce qui était cela. Contrairement aux autres, à ceux qui courent. Voilà la jahlul aktharin bi halawati hadi ladha azu yani wa idami qadriha la tajaladu alayha. Donc, si seulement c'était l'ignorance des gens, de la majorité des gens par rapport au goût et au délice de cela, et aussi l'importance de cela, ils se fouetteraient pour cela. Si les gens savaient en vérité l'importance de cela, ils courraient, ils feraient tout pour l'avoir. les gens maintenant ils vont se tuer pour avoir pour prendre peut-être la place de l'autre ou prendre l'argent de l'autre, il a khilihi. Donc par rapport au monde dunya. On avait une prof, c'était en France, donc c'était, imaginez-vous, il y a une vingtaine d'années. Elle n'avait jamais avalé, cette prof-là, elle était secrétaire. Donc, secrétaire du grand patron. Et une femme lui a volé sa place. Donc une femme qui était donc en dessous d'elle, lui a volé sa place. Et cette secrétaire a toujours souffert de cela. Et même qu'elle passait des fois le soir pour regarder la voiture de l'autre secrétaire et après repartir chez elle. Donc regardez, même des années après, c'était quelque chose qui était justement difficile pour eux. Parce qu'ils sont tellement accrochés à la dunya. Et elle est venue nous raconter ça à nous, aux élèves, pour vous dire. Alors que nous, on n'a rien à voir dans ce domaine. Et pourtant, elle nous raconte cette histoire-là. Elle allait, avec sa voiture tellement souffrée, miskina, elle était niya à Koulehel. Elle allait, elle regardait la voiture de celle qui a, donc la belle Mercedes coupée de la grande secrétaire, parce que maintenant elle est devenue plus riche. Donc bien sûr qu'il avait tout fait pour évincer celle-ci. Tandis que donc les gens vont se faire du mal, c'est pour montrer l'exemple. Les gens ils vont se faire quoi? Ils vont se fouetter, si on peut dire ça comme ça. Elle a dû sûrement la fouetter par Riba ou Namima, ça c'est clair. Donc elles se sont fait du mal, enfin bien sûr, pour les choses de la vie d'ici-bas. Tandis que là, normalement si les gens savaient ce qu'il y avait justement, qu'est-ce qu'il y a? Il se serait fouetté pour arriver à cela. C'est pour ça qu'il disait le savant, si les moulouks, c'est-à-dire donc si les rois savaient sur ce dont nous sommes, ils nous fouetteraient pour acquérir ce que nous avons. Parce que les ulama savent, bifadillah, qu'ils ont la meilleure grâce qui puisse exister. Ils le savent très bien. Donc il dit, la jaladuna yan alina bisuluf, walakin khuffat bihijabin min al-makarih. Mais plutôt, elles ont été cachées par les voiles. De quoi? De tout ce qui est détestable, de choses détestables. وَحُجِّبُوا عَنْهَا بِحِجَابٍ مِنَ الْجَهْلِ. Et ils ont été donc cachés, donc ils ont été voilés par les voiles de l'ignorance. لِيَخْتَصَ اللَّهُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. Afin qu'Allah choisisse donc certains qui il veut de parmi ses serviteurs, qui il veut parmi ses serviteurs. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ. Et Allah, bien sûr, à lui appartient la grâce énorme. Allah, c'est lui qui possède la grâce qui est énorme. Donc là, c'est l'heure de la salat. Barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.